Yeah, on just a rodé Hamza. Aïe. Aïe. On est al. On est là pour faire de la place. Ouais. On est là pour faire du rap. On est là pour faire du rap. Même si c'est pas dans les bacs. Même si c'est pas dans les bacs. Mon frère, on ne va pas s'arrêter. Toujours censé, toujours au fait pour dire la vérité. Pour dire la vérité. On est là pour suivre le cap. On est là pour suivre le cap. Pas pour se noyer sous les vagues. Pas pour se noyer sous les vagues. Critique pas trop notre diction. Sinon sur toi, ça battra la malédiction. On arrive sur le beat, toujours pour le même combat. C'est pour les gens qui galèrent et pour ceux qui tombent trop bas. Aujourd'hui mon frère, sache qu'on est toujours là. Et crois-moi quoi qu'il arrive, on ne s'en ira pas. Toujours censé, toujours posé pour la vérité. Tu sais très bien que nos vies mon frère, on ne les a pas inventées. On reste simple et vrai, dans notre intégrité. Mes origines sont d'Alsace et je viens pas les nier. Ça te plaît pas ce qu'on fait, mets ta cape à écouter. Vas-y parle mal sur nos gueules, ça nous fait de la publicité. N'oublie pas un truc, c'est que c'est Roger Samsa et R.O.D. qui viennent vous hypnotiser. Bientôt fini de réviser, on espère sortir un CD au grand jour. Un rap de vérité, fait simplement par amour. Peut-être que tu viens de loin et que tu nous entends tous les jours. C'est bien continu, car pour nous c'est pour toujours. On est là pour faire du rap. On est là pour faire du rap. Même si c'est pas dans les bacs. Même si c'est pas dans les bacs. Mon frère, on ne va pas s'arrêter. Toujours censé, toujours au fait pour dire la vérité. Toujours au fait pour dire la vérité. On est là pour suivre le cap. On est là pour suivre le cap. Et pour surfer sur les vagues. Et pour surfer sur les vagues. Critique pas trop notre diction. Sinon sur toi, ça battra la malédiction. Écartez, vous faites de la place. On vient forcer les portes d'entrée avec nos blases. Un rap atomique vient de s'abattre en Alsace. Dédicace tous ces petits qui sont audaces. Ne soyez pas jaloux, vous avez pas plus d'audace. Le micro est tombé en panne, faut qu'on la chasse. On n'a pas besoin de nos points, on a juste besoin de nos phrases. La 400 ici, on n'est pas prêt au jazz. Héroïde, héroïdeuse, y'aime ça. On vient vous surprendre, y'a pas de mal à ça. Notre rap est doux comme du Yassa. Tu peux demander à qui ou à Moussa. On vient représenter notre RAP. Tout faire mon frère pour éviter de déraper. Est-ce que t'as capté? On se manifeste vite comme des agents de la RATP. On est là pour faire du rap. On est là pour faire du rap. Même si c'est pas dans les bacs. Même si c'est pas dans les frères, on ne va pas s'arrêter. Toujours censé, toujours au fait pour dire la vérité. Pour dire la vérité. On est là pour suivre le cap. On est là pour suivre le cap. Pas pour se noyer sous les vagues. Pas pour se noyer sous les vagues. Critique pas trop notre diction. Sinon sur toi, ça battra la malédiction. On est là pour faire du rap. On est là pour faire du rap. Même si c'est pas dans les bacs. Même si c'est pas dans les bacs. Mon frère, on ne va pas s'arrêter. Toujours censé, toujours au fait pour dire la vérité. On est là pour suivre le cap. On est là pour suivre le cap. Et pour surfer sur les vagues. Et pour surfer sur les vagues. Critique pas trop notre diction. Sinon sur toi, ça battra la malédiction. Je chante et rap et posé, censé proposer, innover, riposter. Prononcer trois lettres, le R, le O et un D. La langue française vient tabasser. C'est mon équipe que je viens placer. Message de paix, je viens le faire passer sur les vieilles phrases de mon phrasé. Si la pression est lourde, faut savoir lâcher du lait. Tout en sachant que même dans le gouffre, faut maîtriser ses gestes. C'est le cœur sur nos maquettes et tant pis si tu détestes. Toujours honnête envers les miens, je retournerai jamais ma veste. C'est clair que je rappe. Sûrement pas pour faire le max, c'est clair que je rappe, je gratte, je m'en bats de finir dans les bacs, c'est clair que je rappe, mec, je reste toujours honnête, sincère, je veux faire penser et pas bouger vos têtes. Chez nous, le mic ne sert pas à renflouer le compte en banque, mais restez honnête, plus fort et remontez la pente. On veut pas faire de faux pas, et si t'aimes pas, tu te demanderas pourquoi on est là, t'inquiète, le refrain te répondra. On est là pour faire du rap, on est là pour faire du rap, même si c'est pas dans les bacs, même si c'est pas dans les bacs. Mon frère, on ne va pas s'arrêter, toujours censé, toujours au fait pour dire la vérité. On est là pour suivre le cap. On est là pour suivre le cap. Pas pour se noyer sous les vagues. Pas pour se noyer sous les vagues. Critique pas trop notre diction. Sinon sur toi, ça battra la malédiction. On est là pour faire du rap. On est là pour faire du rap. Même si c'est pas dans les bacs. Même si c'est pas dans les bacs. Mon frère, on ne va pas s'arrêter. Toujours censé, toujours au fait pour dire la vérité. Toujours au fait pour dire la vérité. On est là pour suivre le cap. On est là pour suivre le cap. Et pour surfer sur les vagues. Et pour surfer sur les vagues. Critique pas trop notre diction. Sinon sur toi, ça battra la malédiction.